Ils se regardent les uns les autres. Il n'y eut ni bossu, ni enflé qui fût disposé pour un empire à se reconnaître le plus malade. Le vilain dit au premier, « Je te vois défaillir. Tu es le plus faible de tous. Grâce, sire, je suis très sain. Plus que je ne le fus jamais, je suis allégé d'une lourde fatigue que j'avais depuis longtemps. Je ne mens pas, sachez-le bien. Eh bien, descends donc. Que viens-tu chercher ici ?» Et l'autre de prendre la porte. Le roi lui demande, « Es-tu guéri ?»« Oui, sire, Dieu merci, je suis plus sain qu'une pomme. Ce médecin est un grand savant. » Que vous compterai-je de plus? Il n'y eut petit ni grand qui pour rien au monde accepta d'être jeté au feu. Ils s'en vont tous comme s'ils étaient guéris. Et quand le roi les a vus, tout éperdu de joie, il dit au vilain, « Beau maître, c'est merveilleux. Je me demande comment si vite vous les avez tous guéris. » « Sire, je les ai charmés. Je sais un charme qui vaut plus que gingembre et cannelle. » Le roi dit, « Maintenant, vous rentrerez chez vous quand vous voudrez, et vous aurez, de mes deniers, palefroid et bon destrier. Et quand je vous redemanderai, vous ferez ce que je voudrai. Vous serez mon bon, mon cher ami, et je vous estimerai plus que quiconque en ce pays. Mais ne soyez plus ébahis, ne vous faites plus maltraiter, car c'est une honte de vous frapper. Merci, sire, dit le vilain. Je suis votre homme, soir et matin. Je le serai tant que je vivrai, sans jamais m'en repentir. Il prit congé du roi et s'en revint joyeux chez lui. Jamais on ne vit plus riche manant. Il ne retourna plus à sa charrue et plus jamais il ne battit sa femme. Il l'aima et la chérit.